C'est pour toi que j'ai usé ma savate, mon vieux quignol, mon bateau défoncé. À coups de bélier, on t'a graissé la patte pour repartir avec d'autres thoniers. C'est qu'on a pris des grains sur la paillasse, vieux boulingueur a crevé le hunier. On s'est retrouvé coincé au fond de la nasse, à draguer tout ce qui traînait dans le panier. Tu me fais marrer dessous les écoutilles, t'as l'air de quoi avec ta gueule cassée. T'es tout boiteux sur ces foutues béquilles, la mer c'est sûr ne t'a pas épargné. J'ai dérouillé à forcer tes machines, au bout du car j'avais le cœur au fond. Au fond du trou c'était comme un champ de mine, en fin de nuit notre compte était bon. Trimballer ta carcasse, cassée en deux sous le poids des casiers. Sur ton bâbord, on devine sous la crasse les initiales jaunies de ton quartier. Même les bistrots du porte font la gueule, tu ne leur ramènes plus assez de clients. Ton équipage, ce n'est plus qu'un seul homme. Il ne boit plus que pour passer le temps. Je t'entends encore ramener ta vergogne, grincement des chaînes et plainte des poulies. J'en ai soupé à régaler ta trogne et à tremper avec toi mon ennui. Mais je t'en veux pas ce soir mon camarade, je suis frappé qui dirait d'amnésie. Foutu métier à se perdre dans la rade, tu sais très bien que je t'aime à la furie.